Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurone. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde, du choix musical et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons une nouveauté d'Angleterre avec The Pineapple Thief. Nous aurons Ben Craven d'Australie, Cyril d'Allemagne, le très attendu Van der Graaf Generator, qui est tout chaud, sorti de la presse. Nous aurons la théorie des cordes de France, Big Big Train d'Angleterre, Little Tragedies de Russie, Mama non piangere d'Italie, Airbag de Norvège, Amoeba Split des États-Unis et en fin d'émission, Super Luminal Pachyderme. Alors, on débute ça avec The Pineapple Thief. The Pineapple Thief qui viennent de sortir leur 11e album studio et on aura une pièce extraite de Your Wilderness. Ça sera suivi de Ben Craven. Ben Craven, qui est un musicien australien, qui a quatre albums à son actif. Et ce qu'on va entendre, c'est un extrait de Great and Terrible Potions qui est paru en 2011. Et ça va être suivi d'une nouveauté de allemande, le groupe Cyril, qui on entendra un extrait du deuxième album qui est paru récemment. L'album s'intitule Paralyzed. Alors, on débute ça avec In Exile de Pineapple Thief. We are in exile. I am wrecking. see a droplet of make-believe, splashes of meant to be, four parts in harmony, essence of pixie dust helps you soar ever so high. Drink me down gingerly, I'll be your best friend for life. Invent your reality, beware of your tendencies, for memories unbearable, it's great and it's terrible.

Alors, c'était Cyril d'Allemagne avec la pièce « Remember Me » et c'est extrait du plus récent album « Paralyzed » qui est paru cet été. Ça a été précédé de Ben Craven, un musicien australien, avec la pièce titre de l'album Great and Terrible Potions. Et c'est paru ça en 2011. Et si vous allez voir l'information sur Internet, vous allez trouver la pochette très, très bien faite. C'est de Roger Dean, en fait, l'illustrateur qui a fait les albums des années 70, notamment du côté de Yes. Et en début de bloc, nous avions la nouveauté de Pineapple Thief. Ça s'appelle In Exile et c'est extrait de You Wilderness. Après la pause, Van de Graaff Generator et la théorie des cordes. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au deuxième bloc de l'émission avec un groupe très attendu. C'est Van de Graaff Generator, dont l'album Do Not Disturb est sorti cette semaine. On va entendre deux pièces extraites de cet album-là. Je rappelle aux auditeurs que c'est une formation un peu diminuée du fait que Jackson, le saxophoniste, ne fait pas partie de cet enregistrement-là. C'est comme les deux albums précédents, d'ailleurs. Et on aura deux pièces et ça sera suivi avec le groupe français La Théorie des cordes. C'est un groupe, je disais, de France qui a indiqué une seule fois. Mais ce qu'on va entendre, ça ne fait pas partie de sa discographie officielle. C'est un extrait d'un album thématique sur Edgar Allan Poe qui a été produit en 2010 par plusieurs groupes. Et on va entendre A Descent into the Maelstrom. Alors, on débute ça avec Van de Graaff Generator. Day and date, picked the place and time to meet, set the words I uttered in stone, to right the many wrongs that I've done along the way. Now the ball's in my lands up in the lap of the gods.

makes sense. Although the cut's too close for comfort, language goes eventually astray. Thank you. Thank you. Alors, c'était la théorie des cordes, une formation française qui apparaît sur la compilation, en fait, un album thématique qui s'intitule « The Tales of Edgar Allan Poe, Symphonic Collection ». Et on a entendu « A Descent into the Maelstrom ». Et ça a été précédé de Van der Graaf Generator avec deux extraits du plus récent album « Do Not Disturb ». On a entendu « Almost the Words » et « Brought to Book ». Et c'est sorti il y a quelques jours. Après la pause, « Big Big Train »,« Little Tragedies » et « Mama Non Piangere ». Vous êtes à l'écoute de « Rock de Neurone » avec Jimmy Farley. On débute avec une formation britannique, Big Big Train. C'est un groupe qui a débuté en 1994 et il est déjà rendu à son 9e album studio qui est sorti, je crois, en juin. Mais c'est une nouveauté pour l'émission. On n'en a pas fait jouer à date. Alors, on va entendre un extrait de l'album Folklore. Ça va être suivi par une formation russe du nom de Little Tragedies. Little Tragedies qui opère depuis 1999, c'est quand même assez prolifique. Ils ont 13 albums studio, mais on n'entendra pas... ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui est extraite de la même compilation qu'on a entendue tantôt concernant Edgar Allan Poe. Alors, on va entendre Little Tragedies. Et en fin de bloc, nous aurons un petit clin d'œil au R.I.O. Avant Prague. C'est pas souvent qu'on en fait jouer. Alors, on va entendre une pièce de Mama Non Piangere. Et le titre de l'album, c'est N.3. Alors, on commence ça avec Big Big Train. Where the road runs down to the riverbank, and the mudlarks search on the shore, where the watermen set sail for the towns upstream, upon a golden course to Runnymede. Squares and the streets, the river knows the mood of kings and crowds and priests. Take tea in the garden, drunk for a penny or two. Stars will lead you. for clocks are stopped and boats are held. Time and tide, waiting for no man. And now the Torino. Luca, la mia musa, è andato a Torino. C'était Mamma Non Piangere. C'est un groupe italien qui a, dans le fond, un seul album en 1979, dis-je. Et ça a été le silence total jusqu'à cette année où ils ont sorti ce disque plein de surprises. Alors, Mamma Non Piangere, c'est le N3 et la pièce A Torino. Et ça a été précédé de Little Tragedies, extrait de l'album... thématique The Tales of Edgar Allan Poe, c'est le deuxième extrait qu'on joue aujourd'hui, et on a débuté ça avec Big Big Train avec leur nouveauté de l'album Folklore, et la pièce s'intitulait London Plain. Après la pause, Airbag, Amoeba Split et Superluminal Pachyderme. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va conclure l'émission avec un bloc consacré à trois groupes. Le premier, c'est Airbag. C'est une nouveauté. En fait, on peut presque plus appeler ça une nouveauté avec tout ce qui sort les dernières semaines. Mais c'est le deuxième extrait de cet album Disconnected qu'on a, fait jouer la pièce titre il y a deux semaines. Alors, on revient avec Killer. Et on va enchaîner avec un groupe d'Espagne, Ameoba Split. Ameoba Split, qui est un groupe assez récent. Ils ont un album qui a été quand même assez bien reçu en 2010, Dance of the Goodbyes. Et ça a été, après ça, le silence total. Et là, ils viennent de faire paraître leur deuxième opus, c'est Second Split. Alors, on va entendre un extrait. Et à la fin de l'émission, ben, on aura une petite curiosité. C'est un artiste qui œuvre sous le pseudonyme de Superluminal Pachyderme. C'est un artiste qui n'est pas un musicien. Il fait des sons, il agence tout ça au niveau électronique avec des logiciels. Ça finit par faire une musique. C'est une curiosité qu'on va vous présenter pour un petit peu détendre l'atmosphère parce que la musique est assez dense depuis le début de l'émission. Alors on débute ça avec Airbag. I'll kill if I must, whatever it takes to stay. machine, iron board, vacuum cleaner, lawnmower, training wheels, DVD player, microwave, toilet seat, garage door, dryer sheet. The acid in my stomach declines. My nose floats before my eyes and smells all of the apple pie. I'm a Cadillac. Sliding board, big placemat, biscuit press, slotted spoon, kitchen chair, pastry bag, clothes hamper, grapefruit knife, dishwasher, garden hose. My bag. Bacteria gives me gas. My ears go around my head and smell the dog poop bags. I'm a Cadillac. Tennis ball, snowmobile, clock toilet, colander, salad bowl, price tag gun, laptop fan, napkin ring, nutcracker. The dog poop bags. I'm a Cadillac. Smell the dog poop bags. I'm a Cadillac. Thank you. Alors, vous avez entendu Superluminal Pachyderme. C'est un groupe des États-Unis. Et la pièce qu'on a entendue, c'est la pièce titre de l'album Cadillac. Ça vient tout juste de sortir. Ça a été précédé par la formation espagnole Amoeba Split. Et on a entendu la pièce Backwards All the Time. Et c'est extrait de Second Split qui est sorti, je crois, à la fin du printemps. Et on a débuté avec la nouveauté de Airbag et la pièce Killer. C'est extrait de l'album Disconnected qui est sorti en septembre. Alors, ceci met fin à l'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez retracer les pièces qui ont été jouées aujourd'hui durant les deux dernières heures en consultant la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous allez y trouver, en plus de la liste des pièces, des artistes et des albums, un lien vers les émissions archivées. Il y en a près de 65, alors si vous avez manqué l'émission actuelle, ou si vous voulez retourner dans le temps, ben consultez ce site d'archives. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à se joindre à nous pour une autre émission de Rock de Neurones à la même heure, même poste.